Vous écoutez? La croche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1, une radio qu'on retrouve aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver. Je vous propose ce soir une émission en compagnie du musicien, guitariste, improvisateur et artiste sonore René Lucier, qui fête ce soir, à l'instant même, 50 ans de carrière. Ça se passe à Montréal, rue Saint-Laurent, à la salle de spectacle Le Ministère. À défaut d'y participer, bien sûr, je vous convie pour la prochaine heure à l'écoute de création de René Lucier, assortie de propos glanés dans le contexte d'entretien que j'ai mené il y a quelques mois. Artiste et musicien prolifique, René Lucier sort de l'ombre à la fin des années 80 après la création de son ouvrage ultime, Le Trésor de la langue, une œuvre sonore majeure, un projet articulé autour de la musicalité de la parole d'un peuple, dit-on, le Québec d'une époque en quête d'indépendance, d'identité et d'espérance. René Lucier développe depuis 50 ans, aujourd'hui même, une pratique artistique essentiellement exploratoire, novatrice sur le plan musical, sonore et collaboratif, d'où résulte à ce jour une multitude d'albums et de spectacles, de très nombreuses trames sonores pour la scène, le cinéma et des installations filmiques, dont l'environnement sonore du Moulin à images de Robert Lepage, présenté à Québec de 2008 à 2012. Alors voilà, on écoute ça. Bon anniversaire, René Lucier. Ben, c'est sûr que quand tu as appris tout seul, tu négocies avec certains complexes, je dirais. Le complexe de ne pas avoir étudié le contrepoint, l'harmonie. Bon. Puis progressivement, ben, c'est comme tu contournes tellement d'obstacles pour arriver à créer quelque chose qui te ressemble, puis, ou de garder ta créativité bien en vie. Que quelque part, ben, au début, tu as l'impression que c'est toujours un peu une faiblesse, puis que tu es un fumiste. Puis plus ça avance, ben, plus tu connais tes outils, plus tu fais des affaires, puis plus tu peux réagir vite, puis plus tu peux composer vite, puis que tu peux faire toutes sortes de trucs inimaginables, qui sont des fois bons, puis qui sont souvent comme des essais. Fait que quelque part, pendant longtemps, moi, c'est sûr que j'aurais aimé étudier la musique ou être encouragé dans une famille où on écoutait de la musique capotée ou du jazz. Mais chez nous, c'était le néant. Ça fait quelque part, parti de rien. C'est un peu ça comme l'autodidacte aussi. Tu construis tranquillement ton kit d'outils, puis. À un moment donné, ben, tu es capable de faire face à pas mal de situations parce que ben, ça fait longtemps que tu joues, ça fait longtemps que tu joues avec toutes sortes de monde. J'ai joué avec des très grands musiciens, puis j'ai joué avec des très petits musiciens, puis à chaque fois, ça m'a appris des choses, là. L'idée, c'est quand même de toujours garder sa créativité bien vivante. Ça fait que quelque part, moi, quand je fais une clôture en bois, je la fais de la même manière que je fais une toune à la guitare. Tu sais, je veux dire, je fais mon gazon pareil. Là, tu sais, je vais pas un peu tout croche, puis en bout de ligne, je suis plutôt satisfait de ce que ça donne. Tu sais, je me dis, bon, ben, coudonc, j'ai fait mon gazon, ouais. Ou j'ai fait ma clôture, ou j'ai joué ma toune, puis je suis content. Ça m'a équilibré avec le reste des choses, là. J'ai pas étudié la musique dans les écoles, mais j'ai appris beaucoup avec les gens. Donc, je dirais comme l'expérimentation pour moi est venue dès le départ, étant donné que tu sais pas trop jouer, c'est comme tu fonctionnes par rapport à l'instrument plus que par rapport à qui sonne comme d'autres mondes parce que tu sais pas trop comment le faire. Mais bon, le temps passe. Ben, c'est l'improvisation, ça c'est clair. Et puis, ben, les moyens technologiques qu'on finit par apprivoiser, comme ben, moi, ça a été beaucoup le ruban magnétique. J'ai passé des milliers d'heures à faire du montage sur ruban magnétique, puis je trouvais ça bien excitant, comme parce que bon. C'était pas un résultat instantané. C'est comme, il y avait tout le temps comme un genre de comment dire, il y a toujours un espace-temps que tu es en silence, puis tu sais pas trop ce que ça va donner. Tu l'imagines plus que tu en fais, là, mais Puis, il n'y a pas de le phénomène, tu peux pas revenir en arrière tellement. C'est comme il n'y a pas le pomme Z qui est très pratique maintenant avec les logiciels de montage. Donc, l'improvisation, les gens que tu rencontres, puis ben, c'est ça, là, tranquillement, le fait de vouloir faire du micro-montage, puis de s'intéresser au cinéma, la façon que le monde du cinéma fonctionne, en tout cas à l'époque, qui était des salles de montage, puis il y avait comme plein de monde qui avait différents postes, puis classer le matériel, tout ce monde-là. Moi, j'ai eu la chance de travailler un peu à l'ONF, puis de faire de la musique de film, puis ça m'a vraiment influencé à expérimenter, parce que c'était souvent avec des cinéastes aussi qui faisaient de l'exploration du cinéma direct, puis des choses comme ça. Mon grand plaisir, ça a été beaucoup le mixage. Sais, quand tu as fini de pincer la dernière corde, là, puis là, tu as tout monté ça, puis structuré ça, puis whoop, il y a une note qui est fausse, tu l'accordes, puis bon, hop, une voix là, puis là, ça devient comme une architecture assez complexe. Puis là, quand tu arrives au mixage, ben là, tu passes d'une multitude de pistes à deux pistes. Tu as ce qu'il y a à gauche, puis qu'est-ce qu'il y a à droite. Puis, de voir comme le truc se révéler sans être en train de manipuler moi-même. Ça, c'est probablement un des plaisirs les plus grands. De voir ce que quelqu'un qui n'est pas dans toute la logistique des pistes, puis des petites affaires, lui, il est là, puis il fait juste essayer de mettre ça ensemble sans trop savoir tout le détail des choses. Puis là, tout d'un coup, il y a des choses que tu avais prévu mettre comme un peu en retrait. Puis lui, il l'a mis en avant. Puis là, tu te dis, ouais,

comme si je cherchais mon chien ou mon chat. J'en ai fait faire une centaine de copies. J'ai placardé le quartier. Tu verras, pour toi, j'ai écrit au crayon gras. Ami perdu au coin de cette rue, un soir d'orage, perdu de vue, quand l'amitié a fait naufrage, chacun accroché à sa vérité, à son petit bout d'épave, chacun sa mémoire, sa version d'histoire, ses regrets, ses souvenirs, ses raisons d'en souffrir. Mon ami, mon frère, perdu, emporté par des courants contraires, d'autres loyautés. Si tu te reconnais, si tu me lis, tu sais que le temps m'a donné de toi et moi pitié, et qu'aujourd'hui j'ai bu un verre, et qu'aujourd'hui j'ai bu deux verres. À ta santé. Ben, j'ai toujours été, comment dire, donc j'ai fait ça avec beaucoup de liberté, tout ça. Parfois, t'as un modèle. T'as un modèle qui est l'image. Par exemple, si tu fais comme une musique sur un... je fais un exemple, mettons, j'ai fait le moulin à images de Lepage dans le Vieux-Québec, puis ben, c'est comme tu fonctionnes à partir des idées, de l'image, puis bon, tu te dis, si je synchronise ça, ça va être plus crédible, on va y croire un peu plus. Bon, donc ça, c'est une façon, comme B.A.N.Q., la pièce B.A.N.Q., c'est à partir d'une image. Puis aussi, ben, tu sais, tu tâtes un peu, c'est quoi le désir de la personne qui commande une œuvre. La plupart du temps, je pars de rien. Ça, c'est sûr. J'ai pas d'idée préconçue. J'ai pas comme une façon de prendre... T'sais, comme de prendre des dés, puis les lancer, puis dire « Ah, 6, 9, je sais pas quoi », t'sais. Puis là, partir. Dans le cas de Burletta, par exemple, la première pièce qu'on a écoutée, j'ai eu la chance de travailler avec un metteur en scène qui m'impressionnait beaucoup, qui s'appelle Michel Dallaire, qui était comme le genre de clown dangereux. Là. Dangereux dans le sens de menaçant, mais pas dans le sens de violent ou... Et puis, quand on m'a invité à aller composer une musique pour le Théâtre Bergin à Québec, puis quand j'ai su que c'était Dallaire, je me suis dit, yeah, moi j'embarque, il n'y a pas de problème, tu sais. Puis on s'est rencontrés, c'était plutôt sympathique. Puis je me suis dit, hey, je vais essayer de faire quelque chose qui ressemble à rien. Ça fait qu'à chaque fois que j'arrivais sur quelque chose qui ressemblait à de quoi, j'essayais de bypasser ça, là, tu sais. Donc, par exemple... je me servais de toutes sortes d'affaires. Là, je sais pas, moi, tu prends comme une broche à barbecue, puis ça fait... Puis là, ben là, tu te dis, si je mettais un wah-wah là-dessus, c'est vraiment comme un... Tu fais un geste, t'en amènes un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis à un moment donné, la quantité de couches que tu t'ajoutes de travail, d'intelligence, ben à un moment donné, ça te donne plus d'outils pour pouvoir shaper le truc et faire en sorte que ça marche avec le projet. Mais bon, j'étais chanceux parce que c'était du monde qui avait confiance en moi. Ça fait que là, ben là, t'as le goût vraiment de te dépasser puis d'être fier de ce que t'as fait. Voilà ce qui complète la première demi de l'émission qui souligne ce soir les 50 années de carrière du musicien, improvisateur et artiste Soudan, René Lucie. Restez des nôtres, je vous reviens après un bref battement promo. CKRL 89.1. Vous écoutez? La croche oreille. On est de retour, seconde demi-heure, c'est la croche-oreille jusqu'à 22h, une émission qui souligne ce soir, 8 décembre 2024, les 50 ans de carrière de René Lucie. C'est donc le 8 décembre 1974 que René Lucie présentait un premier concert avec son groupe nommé Arpège. Ça coûtait 2 piastres, la place était pleine, raconte Lucie. Aujourd'hui, 8 décembre 2024, 50 ans plus tard, jour pour jour, Lucie récidive en montant sur la scène de la salle Le Ministère à Montréal pour fêter ça. Il est accompagné ce soir de Luzio Altobelli à l'accordéon, d'Hugo Blouin à la contrebasse, de Guillaume Bourque aux clarinettes, de Julie Hull au tuba et de Robbie Koster à la batterie. Alors, pour combler notre absence et saluer René Lucie, on écoute ensemble des créations qui illustrent son parcours, tout ça assorti de propos glanés au cours d'entretiens menés assez récemment. Alors on poursuit l'écoute des œuvres de René Lucie. Thank you.

Bien, grosso modo, en tout cas dans le cas de la musique en tant que telle, je dirais que maintenant, dans toutes les universités, on enseigne l'improvisation, on enseigne la musique électroacoustique, on enseigne la conception sonore. Le monde de la musique et de la conception sonore a comme fusionné, parce que quelque part, un monteur sonore sur un film, ça devient de la musique, son affaire. Puis le musicien, lui, ça devient comme du montage sonore, puis de la ponctuation très précise. Il y a ça qui a beaucoup changé. Puis aussi, puis que ça soit accessible à du monde beaucoup plus jeune. À une époque, on se disait, hey, un bon improvisateur, là, c'est pas avant 40 ans, c'est comme après. Mais là, aujourd'hui, le web, si tu veux écouter, un batteur suédois capoté, t'en vas sur le web puis tu le trouves. T'as accès à beaucoup de choses, ce qui n'était pas le cas à l'époque. On disait quand même notre priorité. Que ça soit trippant, tu sais, c'est comme, je sais pas trop, on avait de l'espoir sur le plan national, on avait comme, l'Église prenait le bord, le féminisme était en route, tu sais, on apprenait, il y avait tellement de nouvelles choses qui se passaient en musique, créées à travers le jazz, à travers le free jazz. Aujourd'hui, c'est multiplié, multiplié, multiplié, mais c'est comme si, souvent, je trouve qu'il y a moins d'inventions, il y a un sentiment et une facilité d'adapter les choses. Incroyable. Au Japon, les meilleures bandes de reggae, c'est là qu'ils sont. Les bandes de heavy metal, le free jazz, je sais pas trop, tu sais, les communautés étudient comment c'était fait. Puis, ben c'est ça, l'industrie du disque a planté aussi. Ça aussi, ça change de quoi. Le droit d'auteur aussi, qui est de plus en plus bizarre. Maintenant, c'est comme il y a moins de jobs dans la musique de film. Il y a des banques un peu partout. T'sais, si tu veux un orchestre symphonique, un mouvement lent, un peu triste, il va te coûter 150$ la minute. Avant, il fallait que tu la composes, puis il fallait que tu l'engages, la band. Ce qui fait que les jeunes qui sortent du conservatoire, puis de ces places-là, comme sont hot, sont vraiment hot, mais il n'y a plus de job, tu sais, c'est comme si, c'est comme si à un moment donné, je ne sais pas où c'est que ça va arrêter, mais là, je pense qu'il faut que ça arrête tout de suite, là.